Bonjour à tous, vous écoutez Radioactive. C'est la 9e édition tout de suite de Je peux pas, j'ai patrimoine, une émission coproduite avec l'équipe du Pays Loire-Touraine, Pays d'art et d'histoire, qui vous propose de découvrir chaque mois votre patrimoine local avec plein de thématiques qu'on a pu déjà aborder dans cette émission, des édifices architecturaux, du patrimoine industriel, on a parlé du vitrail, des parcs et jardins, on a parlé des animations avec les enfants, de tout plein de choses qui forcément vous intéressent puisqu'il s'agit de votre territoire. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Camille Touleland. Bonjour Camille. Bonjour. Camille adjointe du Pays d'art et d'histoire chargée de la médiation patrimoniale. Oui, alors si vous en êtes d'accord, ce que je vous propose de vous raconter aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on vous concocte pour cet été. Puisque parfait. Vous êtes très nombreux à nous poser la question, à nous dire quand va sortir le programme estival. On a des habitués qui sont sur des charbons ardents, donc on peut faire, divulguer si vous le souhaitez, quelques dates. Et alors quand va sortir le programme estival? Le vendredi 17 mai. Alors prenez note, faites une croix sur votre calendrier. Oui, sachant que dès le vendredi 17 mai, vous pourrez vous inscrire en ligne sur notre site internet à nos animations, puisqu'il y en a certaines qui, on le sait, vont être prises d'assaut. Donc n'hésitez pas à réserver vos places rapidement. Ok. On sait que vous êtes très très demandé, hein. On peut faire une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on en discutait là hors antenne, Camille. Pour ce qui est des animations qui sont proposées auprès des structures scolaires, alors vous avez élargi en plus, puisque ce n'est plus que les écoles primaires, mais également les maternelles, les collèges, lycées, et vous êtes complètement assailli de demandes. Oui, en effet, là, entre février, mars et la fin d'année scolaire, on a une soixantaine d'interventions qui sont prévues, donc ouais. On en est ravis, on est très fiers de ce succès, mais c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes les demande, faut nous recontacter pour l'année prochaine maintenant. Ça doit être extra parce que j'imagine quand on se balade dans la rue, qu'on croise des enfants, ah c'est la dame qui est venue nous parler du patrimoine. Exactement. C'est très sympa. Ok, donc effectivement c'est un programme qui nous donne envie de connaître tout ce qui va se passer. Alors on démarre par les rendez-vous au jardin peut-être? Oui, ça c'est vraiment la première date de notre saison, c'est le grand rendez-vous national pour les amoureux des parcs, des jardins, du patrimoine naturel. Alors nous cette année, pour le Pays d'art et d'histoire Loire-Touraine, on sera présent dans deux communes, Vouvray le samedi 1er juin et La Croix en Touraine le dimanche 2 juin. Ok, alors quel va être le programme pour ces deux communes? Pour les rendez-vous au jardin, de manière générale, nous on aime bien faire une programmation plutôt familiale, ouais. Avec des animations famille et enfants. Notamment, on va initier une toute nouvelle animation qu'on appelle le tapis aux 1000 trésors. Mmh. C'est quelque chose qui va s'adresser vraiment aux tout petits, les enfants de 2 à 4 ans, accompagnés bien sûr de leur famille. Et on sera présent donc à Vouvray dans le parc du château de Montcontour, qui est un site privé, hein, qui d'habitude n'est pas ouvert à la visite. On va proposer cette animation le samedi dans le parc du château de Montcontour et le dimanche dans le parc Édouard-André à La Croix en Touraine, où on va proposer donc aux tout-petits d'observer les jardins dans lesquels ils se trouvent, d'aller piocher des éléments pour construire ensemble une histoire à partir des feuilles, des cailloux, des petits trésors qu'ils auront trouvés dans le jardin. Ça ne demande pas que d'avoir une connaissance du patrimoine, ça demande quand même beaucoup d'imagination aussi de pouvoir animer ces ateliers pour le coup. Oui, et alors j'avoue que depuis que j'ai des enfants, ça donne plein d'idées. Hein, c'est plus facile, hein, oui. Curieusement. Donc ça démarre par Vouvray et La Croix en Touraine. Alors en fait, il y a une journée à Vouvray et une journée à La Croix en Touraine. Okay. À Vouvray, donc le samedi, dans le parc du château de Montcontour, tout l'après-midi, il sera possible de visiter librement le parc qui offre une vue incroyable sur la Loire. C'est vraiment un site exceptionnel. C'est très très beau, j'ai eu l'occasion d'y aller. Alors il y a de nombreuses années, mais je me souviens qu'il y avait aussi des paons, il y avait quelques animaux. Ah, et puis il y a notamment une allée de séquoias géants qui est exceptionnelle. On en voit rarement dans les parcs des châteaux, souvent on a un séquoia, quelques séquoias, mais là il y a carrément une allée de séquoias géants. C'est magnifique. Bon. Donc il y a une visite libre qui sera proposée entre 13h30 et 17h le samedi. On fera aussi des visites guidées pour ceux qui le souhaitent à 11h et 15h. Et puis à 16h30 l'animation dont je vous parlais tout à l'heure pour les tout-petits de 2 à 4 ans. Ça c'est la programmation pour le parc du château de Montcontour. Et puis après à 18h on va se déplacer un petit peu à Vouvray. On va aller au théâtre de Verdure qui vient d'être inauguré place Sadi Carnot. Et on a fait appel à une compagnie de théâtre locale qui s'appelle Bille en bois et qui va proposer un spectacle donc familial qui s'appelle l'Arboroscope. C'est un spectacle avec des pop-up géants. Vous savez, ces livres qu'on déplie, on a des images qui s'élèvent. Oui, je vois bien, tout à fait. Lauriane était venue nous apporter avec son livre, elle avait déplié les pop-up. Ouais. C'est très sympa. Ok, donc ça... Ça, c'est pour le samedi. Et ce sera, rappelez-nous la date, Camille. Le 1er juin. Le 1er juin. Les rendez-vous au jardin, en fait, c'est un événement national qui est initié par le ministère de la Culture. Et c'est tous les ans le premier week-end de juin. Ok, donc là, dès le 17 mai... Ouverture des inscriptions en ligne, possibilité de s'inscrire pour ces événements. C'est ça. Alors, sachant que pour les rendez-vous au jardin, la plupart de nos animations sont sans réservation obligatoire, sauf les animations pour les tout-petits. Eh oui. Parce que l'idée, évidemment, pour que ce soit agréable et confortable, on ne veut pas se retrouver avec 30 enfants. Mmh. On va faire quelque chose d'un peu plus intime. Très bien. Et alors donc, que se passera-t-il le dimanche 2 juin ? Le dimanche 2 juin, on va aller dans un site qu'on aime beaucoup, ce qui est le parc Édouard-André à la Croix en Touraine. On va s'associer à un événement qui est organisé par la municipalité, qui s'appelle Parc en Fête. Ah oui. Ça fait plusieurs années qu'ils organisent ça maintenant. Et dans la journée du dimanche, voilà, la mairie de la Croix en Touraine a prévu plein d'animations. Il y aura de la musique, il y aura des jeux, des expositions. Il y a la bibliothèque, évidemment, qui évidemment, va être... Évidemment, Violette, voilà. Hein, qu'on évoque à chaque fois. On pense à Karine aussi, hein, donc à la c'est mairie ça. De la Croix. Ils qui, sont très, très actifs. Ah ouais. Oui, oui, tout à fait. Et donc nous, on apporte voilà, notre contribution à cette journée-là. On sera présente toute la journée. On aura un stand où on va proposer des jeux, notamment une chasse au trésor sur le thème du patrimoine du parc Édouard-André. À 11h du matin, on proposera pour les petits l'animation Le tapis aux 1000 trésors, pour laquelle il faudra s'inscrire. Autre animation pour laquelle il est important de s'inscrire, à 12h et à 17h30, on va proposer des visites guidées dégustation. Oh. Puisque le thème national cette année des rendez-vous au jardin, c'est les 5 sens au jardin. Donc voilà, on va vous concocter un petit parcours avec, à la fin, de dégustation de produits locaux. Donc ça, c'est 12h et 17h30 et il faut s'inscrire pour ces visites-là. On s'inscrit, mais est-ce que c'est toujours gratuit ? Oui, pour les événements nationaux, les rendez-vous au jardin, les journées du patrimoine, les journées nationales de l'architecture, tout ce qu'on propose est gratuit. Très bien. Et ce dimanche 2 juin, on aura aussi à 15h une visite éclair, 30 minutes du parc, voilà, si vous êtes un petit peu pressé, que vous avez autre chose à faire. Et enfin, à 15h30, la balade doudou, où là, c'est une visite guidée du parc pour les familles, pour les petits. D'ailleurs, on invite fortement les enfants à venir accompagner leur doudou et qui vont suivre Joséphine. Voilà, c'est notre petite oursonne jardinière et c'est Joséphine qui va leur faire la visite guidée du parc. Alors ça, c'est absolument génial. Mais c'est des choses que vous pratiquez régulièrement, puisqu'il n'y a encore pas très longtemps, vous avez fait des sorties, notamment avec l'école Jules Ferry, avec le doudou. Oui, en fait, Joséphine, c'est notre mascotte. Et c'est vrai qu'elle nous suit un petit peu partout. Pour rappel, le Pays d'Art et d'Histoire Loire-Touraine, il s'étend sur 55 communes. Oui. Et Joséphine se promène dans tout le pays Loire-Touraine. Joséphine est très, très connue des enfants localement. D'accord, donc ces rendez-vous, 1er et 2 juin, ils ne sont pas encore en ligne, ceux-là, s'ils y sont ? À partir du 17 mai. D'accord, tout sera à découvrir à partir du 17 mai avec une ouverture des inscriptions en ligne, on le rappelle. Camille, je vous propose qu'on écoute Onduler, un titre de Mathieu Bogarts, qui vous plaît bien a priori. Ah, Mathieu Bogarts, c'est un artiste que je suis depuis longtemps. Eh bien écoutez, ça tombe bien, on va le suivre aussi sur Radioactive pour cette pause en musique. Et on se retrouve tout de suite après pour parler des animations famille prévues sur l'été. Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Y'a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Oh non, non, ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. I never feel the same. Je ne sais quel remords. Y'a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore, aïe à la baisse mon décor. Assis là, je fais des ratures. Non, non, non, ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, balayé, bien installé, disachaîné. Si par la lune balayée, bien installée, dis à chaîne. I never feel the same. Ondulée, par si par la lune balayée, bien installée, dis à chaîne. Ondulée, par si par la lune balayée, bien installée, dis à chaîne. I never feel the same. I never feel the same. Ondulée, par-ci par la lune, balayée, bien installée, dis à chaîne. Ondulée, par-ci par la lune, balayée, bien installée, dis à chaîne. I never feel the same. Ondulée, par-ci par la lune. Mathieu Bogaerts, Ondulé, un titre choisi par Camille Touleland, notre co-animatrice aujourd'hui de cette émission Je peux pas, j'ai patrimoine. Camille qui est adjointe du Pays d'Art et d'Histoire, chargée de la médiation patrimoniale au Pays Loire-Touraine, et qui nous a parlé dans une première partie d'émission des rendez-vous au jardin. Donc notez bien, les 1er et 2 juin prochains, ça se divisera entre Vouvray et La Croix-en-Touraine. Tout le programme, vous pourrez le retrouver dès le 17 mai avec ouverture des inscriptions en ligne sur le site du Pays Loire-Touraine. Et à présent, on a hâte, Camille, de connaître les animations famille auxquelles on va pouvoir adhérer sur l'été. Alors l'été, c'est vraiment la saison phare pour nous, hein. C'est une période pendant laquelle on a presque tous les jours des propositions, que ce soit des spectacles, des visites guidées, des expositions, des animations pour les enfants, les familles. Et en effet, je vous propose de vous dévoiler un petit peu le programme famille et enfants pour cet été. En exclu, montez le son, chers auditeurs, c'est maintenant. Alors, nous allons notamment proposer davantage d'actions pour les familles. On s'est vraiment rendu compte que c'était très sympa pour les enfants d'avoir des moments où ils sont entre enfants, mais que beaucoup appréciaient aussi de pouvoir partager ces temps de découverte avec leurs parents ou leurs grands-parents. Mais oui. Donc, on va notamment proposer un atelier. Alors ça, ce sera dès le 5 juin, un petit peu avant les vacances, sur le thème du cinéma et de l'école d'autrefois. Oh. Ça aura lieu au tout nouvel office de tourisme de Montlouis-sur-Loire. Mm-hmm. Et donc, c'est un atelier pendant lequel on va présenter des objets anciens. On va proposer aux enfants de visionner des images d'archives qui ont été faites par des cinéastes amateurs, qui ont été tournées ici dans les années... C'est ça, j'allais vous poser la question. On reste bien sur du local. Ah oui, nous on parle toujours du patrimoine de notre territoire, de nos communes. Donc on a des images qui datent par exemple des années 60, 70. On voit un petit peu comment se passait l'école dans ces années-là. Donc ça c'est quelque chose qu'on propose de faire en famille. Et on a aussi des visites guidées spéciales famille. Alors notamment le village de Limeray, on aura aussi Nouzilly, on aura Château-Renaud au Moyen-Âge, on aura une visite Bléré Nature. Voilà, ça c'est vraiment des visites guidées qui sont adaptées aux familles, mais auxquelles il est tout à fait possible d'assister aussi si on est un adulte et qu'on vient sans enfant. Voilà. Tout à fait. Et on a, pour deux de ces visites, Limeray au Moyen-Âge et Château Renaud au Moyen-Âge, on a un partenariat avec l'association Les Lames Amboisiennes. Ah, nos amis des Lames Amboisiennes. Et oui, qui, à la fin de nos visites, proposent des démonstrations de combat médiéval. C'est impressionnant ce qu'ils font, hein. C'est vrai, ah, c'est génial. On est immergé, hein, tout de suite. On a eu l'occasion aussi de les retrouver, bien évidemment, sur les revues historiques, au milieu de plein de personnages en costume d'autrefois. Et c'est impressionnant. Hein. Ah, nous, on aime bien les gens qui font vivre l'histoire. Ah oui, oui. Donc ça, ce sera en destination des familles, ok. Et puis après, on a aussi toute une programmation cet été d'actions plutôt pour les enfants, plutôt de 6 à 12 ans, c'est un petit peu notre cœur de cible. On propose notamment des chasses au trésor, donc avec des questions d'observation sur le patrimoine. Il y en aura une à Neuillé-le-Lierre et une à Athée-sur-Cher. Et puis, de manière générale, sur notre site internet, on a plein de chasses au trésor de différentes communes qui sont disponibles gratuitement et qu'on peut faire toute l'année. Et ça, on le redit jamais assez parce que vraiment, vous avez des outils pédagogiques qui sont magnifiques, consultables. Non, mais c'est, enfin, très honnêtement, nous, on joue très souvent avec mes enfants au jeu de cette famille maintenant du patrimoine. Il est très chouette. On apprend plein de choses en même temps. Mmh. Et puis, il y a ces petits explorateurs. Oui, c'est ça. C'est le nom de nos chasses au trésor. Mmh. En plus des chasses au trésor, on organise des ateliers pour les enfants, notamment un atelier qui a toujours beaucoup de succès puisqu'on arrive avec notre collection d'un peu plus de 2000 caplas. Mmh. Et voilà, on propose aux enfants d'abord une partie visite guidée de la commune dans laquelle on se trouve, puis un atelier. Et pour les caplas, on sera notamment à l'office de tourisme de Montlouis-sur-Loire et aussi à la maison du tourisme du Castel Renaudet, à Château Renaud. Nous allons aussi dans les mêmes sites proposer des ateliers sur le thème du pop-up. On en parlait tout à l'heure. Hein. On va proposer aux enfants de réaliser leur propre carte pop-up avec des façades de monuments de la commune. On aura aussi un atelier sculpteur en herbe à Azay-sur-Cher, où là on va proposer aux enfants de s'initier au travail de l'argile. Dis donc. Et puis à Saunay, un atelier d'initiation à l'art du vitrail. Vraiment super. L'idée, c'est vraiment que les enfants repartent avec leur réalisation après la maison. Donc ils vont repartir avec leur petit vitrail. C'est ça. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Là, c'est plein de bonnes idées, une pratique artistique et en même temps une découverte du patrimoine. Donc on retrouve tous les ingrédients nécessaires. Bravo. Nous, notre volonté, c'est vraiment de montrer aux enfants qu'en fait, dans leur commune, il y a du patrimoine, dans leur environnement immédiat. Et c'est vrai que, alors, enfants et surtout adultes, on est tous pareils. Hein. Quand ce sont des monuments devant lesquels on passe tous les jours, on n'y prête pas attention. Ouais. Et on a vraiment cette envie d'éveiller leur curiosité, juste de leur faire lever les yeux, de regarder ce qu'il y a autour d'eux. Pas besoin d'aller à Tours ou même à Paris pour voir du patrimoine. Mais depuis que cette émission existe, moi je vous avoue que je traverse les bourgs avec un autre regard maintenant, que ce soit sur les églises, le vitrail justement. Anna nous en avait tellement parlé que forcément quand on passe devant une église, on regarde le vitrail, la fontaine Max Ernst dont Lauriane nous a parlé aussi avec une véritable passion. Enfin voilà, c'est vrai que c'est super de partager votre regard sur notre patrimoine local. Merci, puis c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts, le patrimoine. Oui. On s'intéresse à toutes les époques historiques, tous les styles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le patrimoine industriel, il y a les parcs et jardins, enfin, c'est tellement varié que chacun peut forcément y trouver son intérêt. Bien sûr, et les petits comme les grands. Oui. Très bien, un panel très large, multicolore d'activités à ça, faire. Ça, c'est que pour les enfants, parce qu'on a aussi toute la programmation adulte et tout public. Vivement le 17 mai, hein, qu'on puisse découvrir tout ça. Eh bien, merci beaucoup, Camille Touleland. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, Camille, qui est, je le rappelle, adjointe du Pays d'Art et d'Histoire, chargée de la médiation patrimoniale, et qui, sans doute, reviendra, bien évidemment, derrière le micro de Radioactive. Plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à Lauriane, bonjour à Arnaud, bonjour à Anna, bonjour à toute l'équipe du Pays Loire-Touraine. Merci. À très bientôt, c'est-à-dire au mois prochain, pour un nouveau numéro de Je peux pas, j'ai patrimoine.